bola va faire de la moula. Amola, amola. Doucement mais seulement. Oh. Avant de te séduire, ce sera très élégant. À envoyer sans mal, tu vas te casser les gants. Avant de les détruire, je laisse parler les gens. Je n'aurai jamais tourné moi. Je ne suis pas l'éléphant. Les mieux armés, caloches, usines sont les mieux lotis. J'ai que qui rentre dans l'eau. Je pisse du piloté. Tralbi très noir, donc sombre mélodie. Mélodie. Écarté pour entrer en cérémonie. Fonqué, je suis un peu parano. J'mets le pompe dans le jacuzzi. On te fait parler à la tronçonneuse. Oh, dans le monde atonie. Carla René, joue de la gratte à Sarkozy. Petite marocaine, se tape à Lusconi. J'suis connu en Inde à Champigny. Tardin peut faire un tour dans Bokini. On est quand beaucoup de mer, on se bonifie. Tire d'eau, bien sûr, fils de chemin, c'est intensif. Dans sa mère, si on y est bien, on y vit. On département M, blanche de Bolivie. La cocaïne est plutôt bonne ici. Montagne de fer, tout le monde a fait de la tôle ici. On dit jamais ce qu'on fait, mais on fait toujours ce qu'on a dit. Tu vas savoir qui je suis, je rentre dans ta chenille, genre mon ID. Si t'as pas la moula, toi bon, oula, bouge la putain de oh. Bouge pas, allo, moi sans moi vouloir, argent vivendi. Qui affronte le duc, cours à une fin tragique. Nique ta mère la pute sur ma carte de visite. Si j'attends sous terre, c'est résolu. Les uns comme toi font que personne évolue. Sont-ils vraiment, je m'interroge. J'fais 7 à 8, mes ennemis sont devant la téloge.